sens, merveilleux, merveilleux Jésus. Nous te couronnons, viens remplir ce lieu de ta présence. Terre est remplie de ta gloire. chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. Le monde entier tressaillant d'espérance à cette nuit qui lui donna son vœu. Noël. Je crois en toi. puissance, que rien n'est impossible à mon Dieu. Oui, je crois. Rien n'est impossible à mon oui, Dieu. Je le crois, je le déclare. C'est ma vie, tu es le Dieu. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu qui fait des miracles dans ma vie, dans mon cœur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. On a béni l'Éternel. Oui, je crois. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je crois en toi. Tu as déjà. Tu le feras encore. Oui, je crois. Mon âme bénit l'Éternel. Je crois en toi. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tu es Jésus. Thank you. ne peut t'égaler, Seigneur Jésus. Yeah. j'ai cherché, partout j'ai cherché, partout j'ai cherché. On dit rien ne peut comparer, rien ne peut. Rien ne peut comparer à ta fidélité. À ta fidélité. Tu restes le même hier, aujourd'hui, demain. Rien ne peut comparer. Rien ne peut, non, non, non. À ta fidélité. Rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut. Rien ne peut comparer. Tu es si grand envers nous, Seigneur. À ta fidélité. Je voudrais les compter, mais je ne pourrai jamais. À ta fidélité, rien ne peut, rien ne peut, rien ne peut comparer à ta fidélité, à ta fidélité, rien ne peut comparer à ta fidélité, à ta fidélité. Dame mon aîné, mon bikisinanda, yema kasinanda, ibela kumama. La monene na ye, aza monene, monene, monene, monene, tabo yo monene, monene, monene, aza mosantu, mosantu, mosantu, mosantu, mosantu, mosantu, il est ma force lorsque je suis fatiguée. Je sais que je peux compter sur lui, peu importe les circonstances. Oh, Aza, mon Santu, mon Santu, mon Santu, mon Santu, mon Santu. Faire ce que tu as prévu dans la vie de quelqu'un. Oh.